vitesse. Bientôt la colère va monter à la vitrine pour exploser. Bientôt on va se manifester, vous n'allez pas nous provoquer. Ils sont contents, ça fait tuer. Ils vont nous foutre sur le nez. Quand ce sera violent, y'aura du sang. Maintenant j'espère que t'es content. T'as plus le choix d'être consentant. Il faut que tu trouves une solution. Ce sera la révolution.